tels des reliques conservées précieusement. Les rives de QSM portent les stigmates du serpent. Brûler les crucifix, la Bible, le Talmud et autres Corans. QSM sonne le tocsin, des fils de rien, des mécréants. La Véranda comme cathédrale, et la Véranda comme bureau. Pas de trop texte théâtrale, QSM prêche son tiramot. Ni Dieu ni maître, pas d'imam et pas de pape. QSM pédagogue pour angélise à coups de pâte. Des arpèges plus malsains que les coulisses du Vatican. Des rites assassins qui font douter les plus croyants. Une œuvre délétère qui fait d'eux des dieux vivants. QSM visionnaire ne fait pas le pari d'un truc plus grand, non. Dans son missel, QSM te détaille le programme. Vice et luxure, le tout sans état d'âme. Terminé le carême, aux oubliettes, le ramadan. Tout est permis ce soir, c'est open bar en couvent. QSM aime la bonne messe, les tuyaux d'hommes, les totems. QSM boit du vin de messe, mais ne rote pas au JMJ. Arrête-toi, oui, mais à tête, QSM ne sort l'Eucharistie. De sa chair vitrée, QSM fait des deux, assène son sermon. Il baptise avec le malin et réveille tout est démon devant les pantins capuchés de noir ou de blanc. QSM ne s'inquiétera jamais comme un simple pénitent. Si QSM n'était pas là, le démon prierait peut-être, car il oublie qu'il s'y va à l'anaconda, un poisson maître. QSM ne marche pas sur l'eau, il distribue pourtant les pains. Pour une fois qu'il est généreux, il affole les paroissiens, les fanatiques inspirés et les apôtres dissidents. Se parjurent pour QSM et réclament de boire son sang. Le Raconda est vicieux, le vice est sa philosophie. Toi, tous les jours, tu pries Dieu, mais demande-toi qui règne ici. Des trous, des marques sur des membres d'invertébrés. Des cris d'horreur, dissimulement épouvantés. La véranda saigne, l'antéchrist n'a que deux dents. Le démon s'agite sur la croix, QSM cloue un serpent.